parce que de l'autre côté, on aura tous la tête en bas, répondit Lottie. Ça sera trop rigolo. Ils vont en faire une drôle de tête en nous voyant les gens qui habitent là-bas, rajouta Lydie en rigolant.